revient tard. Pars vite. Il revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Pars vite. Il revient tard. Pars vite. Huitième épisode. Le semeur a manipulé les médias et appelé la population à peindre elle-même des chiffres 4 sur les portes pour se protéger de la peste. Les services de police, se retrouvant aussitôt débordés, cela lui laisse tout le loisir de continuer son œuvre sans être inquiété. Une quatrième victime a déjà été retrouvée, la première femme de la série. Dans son dernier message, le tueur a fait référence à la peste qui décima Marseille en 1720. Invitant l'enquête à se déplacer. Je m'excuse de vous déranger un dimanche, docteur. Ne vous en faites pas. Je suis pas à cheval sur les principes. Il se trouve que le jardin du Luxembourg, c'est toujours merveilleux en automne. Vous savez que j'aime bien faire appel à vous quand mon intuition se heurte aux limites de mes compétences médicales. Je sais. Ce que je crois, c'est que ce recours à la peste doit être élucidé. Ce n'est pas comme si le semeur employait une idée banale, à l'ordre du jour dans tous les esprits, comme, je sais pas moi, un thème à la mode, cette foutue fin du monde des Mayas, par exemple. Oui. Avec cette peste, le tueur se situe délibérément hors de son siècle. Il est anachronique. Il est même grotesque, comme dit mon adjoint. Parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Mmh. Je m'interroge sur le décalage de ce type avec son temps. Son choix incompréhensible d'un thème dont absolument personne n'aurait idée aujourd'hui. Et c'est cet incompréhensible qu'il faut saisir. Je ne dis pas qu'il n'existe pas quelques chercheurs qui triment sur la question. J'en connais même un. Mais dites-moi si je me trompe, Férez. Aussi accroché soit un homme à un sujet d'étude, ce sujet ne pourra pas pénétrer en lui au point de devenir le moteur d'une série de meurtres. C'est vrai. L'objet d'étude reste hors de la personnalité instinctive. Surtout s'il est advenu tardivement. C'est une activité, pas une pulsion. Même si cette activité prend un tour frénétique. Même. J'élimine donc, dans le choix du semeur, toute motivation d'ordre intellectuel et j'élimine tout hasard. Mmh. Ce n'est pas un homme qui s'est dit « Allez, adoptons le fléau de Dieu, ça va faire un effet du tonnerre ». Ce n'est pas un fumiste ou un mystificateur. Non, le semeur n'a pas cette distance. Il croit profondément à cette histoire, violemment, instinctivement. Il est plongé dans son truc jusqu'aux yeux et il se fout d'être compris ou incompris. Lui, il se comprend. Bien. Si le semeur en est là, c'est que la peste est en lui fondamentale. C'est donc que c'est une affaire De famille. Oui, exactement. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de doute, Adam Esberg. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Au début, j'ai pensé que le type avait peut-être attrapé la maladie quand il était jeune, dans un pays lointain. Le coup de malchance, le traumatisme, je ne sais quoi. Ça ne m'a pas satisfait. Alors je me suis cassé la tête. J'ai cherché comment l'enfance d'un homme pouvait se ressentir d'un drame qui s'était achevé au début du XVIIIe siècle. J'en suis arrivé à cette seule solution logique, que le semeur était âgé de 260 ans. Ça ne m'a pas satisfait non plus. C'était pas mal. Un patient intéressant. Et puis j'ai appris que la peste avait frappé Paris en 1920, au XXe siècle, et déjà bien entamée. Vous saviez ça, docteur ? Honnêtement, non. 96 cas, 34 morts, dans les banlieues pauvres, pour la majorité. Et je pense que la famille de ce type a connu cette tourmente. Qu'elle y est même passée en partie. Les arrière-grands-parents, peut-être. Mm-hmm. Que le drame s'est figé dans la saga de cette famille. On appelle ça un fantôme familial. La peste a dû s'infiltrer dans la tête de l'enfant, un garçon à mon avis, parce qu'on lui a raconté mille fois la décimation de ses ancêtres proches. Pour lui, elle fait donc partie naturelle de sa vie, de son... environnement psychique. C'est ça. Elle est un élément spontané et non pas une figure historique dépassée, comme pour nous. Je trouverai le nom de la famille du semeur parmi les 34 victimes de la peste de 1920. Vous êtes assez bon, Adamsberg. Et vous êtes sur une voie juste. Ajoutez cependant à ce fantôme familial des perturbations violentes qui lui ont permis de s'installer. Les fantômes font leur nid dans les fractures. C'est bon à savoir. Mais je crains de devoir vous frustrer. À votre place, je ne chercherai pas ce semeur au sein d'une famille décimée par la peste, mais au sein d'une famille épargnée. Pourquoi épargnée ? Parce que votre semeur se sert de la peste comme d'un instrument de puissance. Et alors ? Tel ne serait pas le cas si la peste avait vaincu sa famille. Il l'abominerait. Mm-hmm. Le foyer a dû être épargné, comme par miracle, au sein d'un quartier où tous les autres mouraient. Et la famille a pu payer le prix fort de ce miracle. Le pas est vite franchi de haïr ceux qui s'en sortent, puis de les soupçonner de bénéficier d'une force secrète. Vous connaissez la sempiternelle histoire. Je ne serais pas étonné que sa famille ait été montrée du doigt, puis menacée, honnie, qu'elle ait dû fuir les lieux du drame sous risque d'être déchiquetée par les voisins. Bon sang, Ferès, vous avez raison. C'est une possibilité. C'est sûrement la bonne. L'histoire de cette famille, c'est le miracle de leur survie. La saga, c'est d'avoir échappé à la peste, et mieux, d'en avoir été les maîtres. Ils ont pu tirer fierté de ce qui leur était reproché. C'est ce qui se fait, généralement. Dites à quelqu'un qu'il est con, il vous répondra qu'il en est fier. Réflexe de défense ordinaire, quelle que soit l'accusation. Mais n'oubliez pas, Adamsberg, pour votre semeur, famille déchirée, perte du père ou de la mère, sentiment d'abandon, donc faiblesse immense. C'est l'explication la plus probable pour que le garçon se soit accroché à la violence de la gloire familiale, sa seule source de puissance. Sans doute ressassé par un grand-père, les passations de drame se font en sautant une génération. C'est pas avec ça que je vais le trouver à l'état civil. Des centaines de milliers de gens ont échappé à la peste. Je suis désolé. Tant pis. Mais vous m'avez bien aidé quand même. Mais c'est du bidon tout ça. Tu les as vus les photos, hein? Ouais. Mais s'ils sont vraiment morts de la peste, comment ça se fait qu'ils ont eu le temps de se déshabiller avant de claquer? Ça ressemble à une peste, ça? Ou à un assassinat? Mais c'est pas ça, c'est les deux à la fois. C'est des gens qui meurent de peste, mais comme le type veut que ça se sache, il les sort de chez eux, il les déshabille pour qu'on voit bien ce qu'il en est. C'est pas un tricheur, lui. Il veut nous aider à y voir clair. Sans doute un gars d'un laboratoire. Il sait qu'ils ont laissé partir la peste en pétant un tube en verre ou je sais pas quoi. Il peut pas le dire parce que le laboratoire a reçu l'ordre de se taire. À cause de la population, alors motus. Broyer du noir, commissaire. Je broie du néant, Egern. Pourquoi ça se voit tant que ça? Ouais. Perdu en mer? Je ne saurais mieux dire. Moi, ça m'est arrivé 3 fois d'être perdu en mer. On tournait comme des malheureux, dans la brume, en frôlant sans arrêt la catastrophe. 2 fois, ce sont les appareils qui sont déréglés tout seuls. Et la 3e fois... C'est moi qui avais fait une erreur de sextant, au bout d'une nuit blanche. Un simple coup de fatigue et c'est la bévue. Le truc qui pardonne pas. La bévue. Les corps des pestiférés n'ont jamais été noirs. Quelques taches bleuâtres par-ci par-là et encore. C'est un mythe tardif, une erreur populaire générale. Tout le monde le croit, mais c'est faux. Quand votre homme charbonne le corps, il se trompe. Il commet même une énorme bévue. Et alors, ce boudin aux pommes? Qu'est-ce que vous en dites, commissaire? Délicieux, oui. Les pommes ont un arrière-goût étonnant de... De Calvados, une spécialité de Bertin. Vous travaillez même le dimanche, commissaire? Ou bien vous n'êtes ici que pour le bon plaisir de notre compagnie? Disons que je mêle l'utile à l'agréable. Ça fait un moment que j'ai pas assisté à la criée. Il n'y aura pas de spécial aujourd'hui. Depuis que les flics rôdent, le semeur envoie ses messages par la poste. Et le facteur, lui, ne passe pas le dimanche. Peu importe. C'est l'atmosphère qui compte. Cinq. Cherche recette de cake où les fruits confits ne tombent pas au fond. Le barbu, là, c'est un assidu. Il vient tous les jours, même le week-end. Et la jolie brune, là-bas? C'est une inconstante, elle vient quand ça lui chante. Et le jeune avec un bonnet sur la tête? Je connais pas. Vente, cagette de haricots verts, certifiée sans fil. 10. Les jeunes qui font du tambour, la prochaine fois, c'est la police. Regardez, tous ceux qui ont l'air interdits, ceux qui froncent les sourcils, qui n'y comprennent rien, ce sont des nouveaux. Des bleus, quoi. Et tous ceux qui discutent, qui font des mouvements de tête, des gestes... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez reconnu quelqu'un? Là-bas. Retour de campagne manqué en Irlande... Vous n'avez rien remarqué? Non. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai pourtant bien cru que... Rentrez chez vous, commissaire. Vous devez être surmené en ce moment. Prenez un peu le temps de vous reposer. Vous avez peut-être raison, de Cambrai. Allez, Joss, on vient de sauver. Désolé, on peut pas tout savoir. Oh, ouais, bah, c'est comme ça. On jette rien demain matin. Ça va pas, Adrien. Adamsberg. Tiens. Prends un peu de cette bonne bière. Ça te fera du bien. Ça va mieux? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait se retrouver chez lui ce soir. Il m'avait dit pas avant 10 heures à cause de tous les imprévus liés à votre affaire. Et ? Je suis arrivée à 10h05. Tout était calme. J'ai cru qu'il s'était endormi en m'attendant. Alors, je suis allée voir dans la chambre et... Je t'ai raconté, Camille, le jour où Dieu créa Adamsberg. Non. Ce jour-là, Dieu avait passé une fort mauvaise nuit. Et non seulement il avait mal dormi, mais il se trouvait à court de matériel. Si bien que, comme un étourdi, il alla frapper chez son collègue pour lui emprunter un peu d'équipement. Tu veux dire le collègue d'en bas? Exactement. Ce dernier se jeta sur l'aubaine et s'empressa de lui procurer quelques fournitures. Et Dieu, hébété par sa nuit blanche, mélangea le tout inconsidérément. De cette pâte, il tira Adamsberg. Ce fut un jour vraiment pas ordinaire. Je n'étais pas au courant. Ça traîne dans tous les bons livres. Et alors, que donna Dieu à Jean-Baptiste? Il lui donna l'intuition, la douceur, la beauté et la souplesse. Et que donna le diable? Il lui donna l'indifférence, la douceur, la beauté et la souplesse. Merde. Comme tu dis... Mais on ne sut jamais en quelle proportion Dieu l'étourdi composa sa mixture. Cela reste un des grands mystères théologiques d'aujourd'hui. Tu vas où? Aucune idée. Où il y a de l'espace? Oh, tu peux dormir ici, tu sais. Je vais te déplier la banquette. Oh, laisse tomber, je vais m'allonger dessus. Parce que je vais dormir avec mes bottes. Mais pourquoi faire? Tu vas être mal. Je m'en fous. À partir de maintenant, je dormirai avec. Ce n'est pas très propre. Mieux vaut être debout que propre. La grandiloquence n'a jamais dépanné personne, Camille. On en est à 18 000 immeubles touchés maintenant. C'est un véritable tsunami. J'ai failli attraper ce type hier sur la place. Le semeur ? Lui-même. Mais il m'a échappé. Tout m'échappe, Danglars. Vous avez vu quelque chose ? Non, rien. Justement. Rien ? Alors comment pouvez-vous dire que vous avez failli l'attraper ? Parce que je l'ai senti. Mais senti quoi ? Je sais pas, Danglars. Allô ? Lui-même ? Entendu. J'arrive le plus vite possible. C'était Masséna. Ils ont un corps à Marseille. Merde. Un coup du semeur ? Probable. Prenez-moi un billet dans le premier avion. On l'a trouvé nu chez lui. Les serrures avaient été forcées, du travail très propre. Il y avait pourtant deux gros verrous tout neufs. Technique des débuts. Il n'y avait pas de planton sur le palier. J'avais 4000 immeubles sur les bras, collègue. Ouais, c'est là qu'il est fort. Il a anéanti en quelques jours toute la surveillance policière. Nom, prénom, qualité. Sylvain Jules Marmot, 33 ans, employé au port à la réfection des bateaux. Des bateaux ? Il est passé par la Bretagne ? Comment vous le savez ? Je ne sais pas, moi, je demande. À 17 ans, il a bossé à Concarneau. C'est là qu'il a appris le métier. Brusquement, il a tout largué et il est monté à Paris où il a vécu de petits boulots de menuiserie. Mmh. Il vivait seul ici ? Oui, sa compagne est une femme mariée. C'est pour ça que le semeur l'a tué chez lui. Il est très bien renseigné. Il n'y a pas de hasard là-dedans, Masséna. Peut-être, mais pas un point commun entre ce Marmot et vos quatre victimes. Sauf ce séjour à Paris entre 20 et 27 ans. Ne vous cassez pas la tête avec les interrogatoires, collègue. J'ai envoyé tout le dossier à votre brigade. C'est là que ça s'est passé, à Paris. Quoi ? Leur rencontre. Ces cinq-là ont dû se connaître, se croiser d'une manière ou d'une autre. Je crois plutôt que le tueur nous fait cavaler. Il nous laisse croire que ces assassinats ont un sens pour nous déboussoler. Masséna, ce type est un surdoué. Il a tout prévu. Toutes les articulations de l'affaire, toutes les réactions en chaîne, comme un chimiste. Et il sait exactement à quel produit il veut aboutir. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un scientifique. Un scientifique ? Je croyais que vous le disiez littéraire. Mais ce n'est pas incompatible. Scientifique et fada ? Et il a un fantôme dans sa tête, depuis 1920. Bon sang, collègue, c'est un vieux de 90 ans. Je le vois plutôt entre 20 et 40. C'est pas une fourchette, ça, collègue. C'est le grand écart. C'est du charbon de bois. Parti aux analyses. Il a été piqué ? Deux fois ici, à la cuisse. Et chez lui ? 7 puces récoltées selon la technique que vous m'aviez indiquée. Mes bestioles aussi sont parties aux analyses. Une enveloppe ivoire ? Oui, dans la poubelle. Je ne comprends pas qu'il ne nous ait pas prévenus. Il avait peur. Justement. Peur des flics, plus encore que de l'assassin. Il a cru pouvoir se défendre seul. Il a fixé 2 verrous supplémentaires. Comment étaient ses habits ? En vrac dans la chambre. Très bordélique, le Marmot. Quand on vit tout seul aussi, qu'est-ce que ça peut foutre ? C'est quand même bizarre. D'habitude, le semeur déshabille ses victimes proprement. Et c'est qu'il n'a pas eu à le déshabiller, collègue. Il dormait à poil sur son lit. Ici, c'est comme ça qu'on fait, généralement. À cause qu'il fait chaud. Alors, cette bouillabaisse, c'était quelque chose, hein ? Oh, je crois bien que j'ai jamais mangé autant de poisson de toute ma vie. C'est sûr que c'est pas à Paris que vous pourrez trouver ça, hein, collègue. Tiens, j'ai reçu un appel en absence. J'aime bien marcher sur le vieux port le soir. Ça donne des idées quelquefois. vous avez un nouveau message. Camille. Aujourd'hui, à 20h23. Commissaire, c'est de Cambrai. Je vous lis la spéciale de ce soir. Elle prit domicile pendant les premiers jours dans les quartiers bas, humides et sales. Pendant quelque temps, elle fait peu de progrès. Mais quelques mois sont à peine écoulés que, enhardie, elle s'avance lentement d'abord dans des rues populeuses et aisées et enfin pleines d'audace. Elle se montre dans tous les quartiers où elle répand son poison mortel. Elle est partout. Un des nouveaux messages. Problème, collègue ? Menu principal. Non, rien. La routine. Et si on allait prendre le large demain à l'aube, avant que vous ne repartiez ? J'ai une petite barcasse dans une calanque. Ça aussi, ça donne des idées. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Madame Berg, quelque chose ne va pas ? Il est là. Qui ? Le semeur. Où ? Sur le quai ? Non. Là. Dans l'eau. On n'y voit rien, c'est noir comme du cirage. Attendez. Regardez, Masséna. Voyez les reflets de la lune qui scintillent. C'est là qu'il est. Dans l'éclair. Dans l'éclair. Bonjour, ici votre commandant de bord. J'ai passé la nuit à faire ce foutu extrait. Mais bien sûr, vous m'avez lu, était modernisé. Alors 3. Texte original de 1517. 3. La peste dans la ville de Troyes, commissaire. Il vous promène. Monsieur, veuillez éteindre votre téléphone portable, s'il vous plaît. L'avion va bientôt décoller. Oui, oui, tout de suite. Je vous laisse en Osler. Anglard. Oui. Il va sur Troyes maintenant, la ville de Troyes. Il va nous faire courir dans toute la France comme ça ? Danglars, le semeur porte un diamant au doigt. Une femme ? C'est possible, je ne sais pas. Monsieur, votre téléphone. Oui, oui, je suis là. Bon, je vous rappelle, Danglars. D'accord. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour écouter vos messages archivés, Monsieur. Voilà, je l'éteins. Camille, s'il te plaît, appelle-moi. C'était une collision. Il y en a un d'autre. T'as pas à t'en occuper, c'est mes histoires. Laisse-les-moi. Mais appelle. Appelle. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation, Catel Guillou. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Pars vite et reviens tard est paru aux éditions Viviane Ami. 8e épisode. Avec Marina Golovin, Jean-Quentin Châtelain, Serge Ranco, Olivier Clavry, Philippe Duquesne, Rizlen El Cohen, Claude Aufort, Emeline Bayard, Maud Le Grévelec, Jean Ocotrel, Antoine Gouy, Vincent Dosreis, Pauline Ziadé, Marc Léonian, Niki Marbeau, Véronique Rodier, Raresh Yenasoaï, Sandrine Bonenès, et les voix de Alexandre Boras, Claire Rapin, Patrick Mandon et Henri Alexandre. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Ossier.